بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence le cours numéro 86 dans l'explication du livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان avec les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Donc, on continue à partir de l'endroit où s'est arrêté. Et donc, le passage qu'on est en train d'expliquer maintenant, ou bien qu'on est en train de traverser dans le livre de Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, c'est un passage qui est un peu plus compliqué que le reste du livre, parce que dans cette partie, il explique beaucoup des termes qui sont mentionnés par les soufis, par les gens de Wahdatul Wujud, et il explique leurs termes philosophiques. Donc, à cause de ça, le passage est un peu compliqué. Et tu vois clairement, en lisant ces exemples-là et ces propos-là, que le langage de ces gens, ce n'est pas le langage qu'utilisent les messagers, les prophètes. Parce que le langage des prophètes et des messagers et le langage de la révélation, c'est toujours un langage qui est clair et simple. Mais lorsque tu arrives au langage de ces gens de bid'a, eh bien, eux, ils utilisent toujours un langage qui est très compliqué et très obscur. Et donc, ça fait en sorte que la compréhension de leurs paroles est très très difficile, et c'est uniquement les gens qui sont initiés à leur langage qui peuvent vraiment les comprendre correctement. Ala kulli hal, inshallah, heureusement que le cheikh Al-Fawzan, il a clarifié et simplifié un peu les significations de ces différents passages-là. Ce qui fait que, avec ces commentaires, on arrive à, clarifier et simplifier plus facilement les sens de ce que ces gens-là disent. Et l'important, c'est juste de comprendre en fait que la base de ce qu'ils disent est faux, hein, et que c'est basé sur les idées de Wahdatul Wujud et de kufr, et des bid'a, de toutes sortes d'égarements. Donc on continue maintenant. Le cheikh, il dit, وَصَاحِبُهُ الصَّدْرُ الْقُونَوِيُّ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالْمُعَيَّنِ لِأَنَّهُ كَانَ أَقْرَبُ إِلَى الْفَلْسَفَةِ فَلَمْ يُقِرَّ بِأَنَّ الْمَعْدُومَ شَيْءٌ لكن جعل الحق هو الوجود المطلق وصنف مفتاح غيب الجمع والوجود وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق وعدمه. Donc ici Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il parle d'un autre individu qui était proche de celui dont on a parlé, c'était At-Tilmisani, et également Ibn Arabi. Donc il fait partie de celui dont il parle, As-Sadr al-Qunawi. Il fait partie de des élèves de Ibn Arabi, et c'est en réalité lui qui était le cheikh de At-Tilmisani. Donc ça nous donne déjà une idée de cette brochette d'égarés, hein, Allah al-Musta'an. Donc son nom c'est Sadruddin Muhammad ibn Ishaq ibn Muhammad al-Qunawi, al-Qunawiyyu al-Rumi, et c'était un des grands élèves de Ibn Arabi et un des shuyukhs, parmi les grands shuyukhs de al-Ittihadiyya, ce qui appelait à l'unicité de la création avec Allah. Et c'était le cheikh de At-Tilmisani. Et ce Al-Qunawi, il est mort en 673. Al-Qunawi, il est mort en 673. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah, que lui, il distinguait entre Al-Mutlaq ou Al-Mu'ayyan, entre l'absolu et le spécifique, ou le général et le spécifique. Il dit parce qu'il était plus proche de la philosophie. Et il n'acceptait pas, contrairement à Ibn Arabi, que le néant était une chose. Parce qu'il faisait que, il disait que la vérité était l'existence absolue. Donc, le néant, c'est ce qui n'existe pas. Donc, lui, il considérait que la vérité, c'est-à-dire Allah, c'était la vérité, c'était l'existence absolue. Et il a écrit un livre sur ce sujet qui s'intitule Miftah al-Ghayb al-Jam'i wal-Wujud. Et cette parole qu'il a ramenée a été entrée elle aussi dans les exemples de paroles de kufr, de la négation du Créateur, hein, c'est-à-dire que cette parole elle équivaut à nier l'existence du Créateur, à nier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des paroles d'athéisme, en fait, hein, c'est des propos qui équivaut à nier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces propos-là, les propos de Ibn Arabi, les propos de Tilmissani, Al-Qunawi, tous ces gens-là sont des gens, lorsque tu regardes leurs paroles, tu constates à la fin que c'est des paroles qui équivaut à l'athéisme. Hein? Et c'est comme, par exemple, le fait de dire que tout ce qui existe, c'est Allah, et qu'il n'y a pas de distinction entre le Créateur et la créature, eh bien ça équivaut à nier l'existence distincte du Créateur. Et donc, elle rejoint en réalité l'opinion des matérialistes et des athées qui disent que il n'y a rien d'autre qui existe que la matière. Hein? Et tout ce qui est en dehors de la matière, ça n'existe pas. Hein? Puisque les gens de Wahdatul Wujud, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il n'y a rien qui existe excepté Allah. Et tout ce qui existe dans la matière, c'est Allah. Donc, les deux paroles s'équivalent en réalité. Hein? Les deux peuvent être utilisées dans le même sens, peuvent être utilisées pour justifier et défendre l'athéisme ou le fait que Allah n'existe pas. Allah musta'an. Ensuite, le Cheikh il dit: فَإِنَّ الْمُطْلَقُ بِشَرْطِ الْإِطْلَاقِ هُوَ الْكُلِّيُّ الْعَقْلِيُّ وَلَا يَكُونُ. J'ai oublié de lire les explications de Cheikh Al-Fawzan. Il dit à propos de As-Sadr al-Qunawi, il dit: كل موجود لا بد مقيد وهم يقولون لا وجود مطلق ليس مقيدا وهذا لا يوجد في الخارج وإنما في الذهن تصور الذهن فقط. C'est-à-dire que, yani, le cheikh il explique que toute existence, toute chose qui existe, il faut qu'elle soit restreinte d'une façon quelconque. C'est-à-dire, il faut qu'elle possède des attributs. Il faut qu'elle possède des caractéristiques. Hein? Mais eux, ils disent non. C'est une existence absolue qui n'est pas restreinte, c'est-à-dire qui n'a aucun attribut. Et n'importe quoi qui n'a pas d'attribut, ça ne peut pas exister, excepté dans l'imagination, excepté dans l'esprit. D'accord? Donc ça, c'est des choses qu'il faut comprendre, que les idées dont ils parlent, eux, c'est des choses qui ne sont pas réelles. C'est des choses seulement qui existent dans la tête, dans notre esprit seulement, qui peuvent seulement exister dans notre esprit. Après, il dit le cheikh, وتعطيل الخالق يعني نفي الخالق يقولون لا يوجد خالق ومخلوق كل الكون هذا هو الخالق وهو الله. Donc c'est ça que j'expliquais tout à l'heure quand je disais que ces gens-là, leur parole équivaut à la négation de l'existence d'Allah. Hein? Et eux, ils utilisent l'expression ta'til al-khaliq. Qu'est-ce qu'il veut dire par le ta'til du khaliq? c'est-à-dire la négation du Créateur. Et ils disent qu'il n'y a pas de Créateur, il n'y a pas de créature. Toute la création, c'est le Créateur, c'est-à-dire c'est Allah. Donc ça, ça équivaut au kufr, à l'athéisme. Si vous voyez par exemple les bouddhistes, eux, ils ne croient pas en l'existence d'un Créateur. Ils disent l'univers est éternel, et il a toujours existé, et elle se transforme, et le but de l'homme pour eux, c'est de redevenir un avec l'esprit universel de l'univers, c'est-à-dire de redevenir un avec la création. Et pour eux, il n'y a pas donc pour eux, c'est-à-dire il n'y a rien qui existe excepté la création, l'univers. Et les soufis, ils prennent cette parole-là, puis ils disent il n'y a rien qui existe excepté Allah. Et tout l'univers, c'est Allah. Donc c'est comme si ils prennent la même idée que ces gens-là, sauf que au lieu de l'appeler l'esprit universel ou l'univers ou la création, ils l'appellent Allah. Puis ils disent que cette création-là, c'est Allah finalement. Donc il n'y a pas de différence entre créateur et créature. Donc c'est des paroles de kufr. Après le shaykh, il dit « فَإِنَّ الْمُطْلَقِ بِشَرْتِ الْإِطْلَاقِ هو الكلي العقلي لا يوجد إلا في الأذهان ولا في الأعيان السلام عليكم والمطلق لا بشرط وهو الكلي الطبيعي وإن قيل إنه موجود في الخارج فلا يوجد في الخارج إلا معينا وهو جزء من المعين عند من يقول بثبوته في الخارج فيلزم أن يكون وجود الرب إما منتفيا في الخارج وإما أن يكون جزءا من وجود المخلوقات وإما أن يكون عين وجود المخلوقات وهل يخلق الجزء الكل أم يخلق الشيء نفسه أم العدم يخلق الوجود أو يكون بعض الشيء خالقا لجميعه وهؤلاء يفرون من لفظ الحلول لأنه يقتضي حالا ومحلا. Donc ici ce passage c'est un exemple des propos philosophiques dont je parlais. Al-mutlaq bishart al-itlaq, c'est de qu'est-ce qu'on vient de parler tout à l'heure. C'est-à-dire une chose qui existe mais qui n'a aucun attribut, aucune caractéristique. Et ça, c'est une entité qui existe uniquement, une chose qui existe uniquement dans notre esprit et dans notre tête. Elle ne peut pas exister dans la réalité. Et il dit, tandis que la chose absolue, qui n'a pas de condition du tout, c'est-à-dire une entité naturelle, il dit ça peut exister à l'extérieur de notre esprit, mais si elle existe à l'extérieur de notre esprit, elle existe que de façon spécifique. Donc c'est une partie de ce qui est spécifique pour celui qui dit que ces choses-là existent à l'extérieur de notre esprit. Et donc ça implique que l'existence du Seigneur, selon ces deux propos-là ou ces deux idées-là, serait soit inexistante à l'extérieur de notre esprit, ou soit elle serait une partie de l'existence des créatures. Ou bien soit qu'elle serait elle-même l'existence des créatures, c'est-à-dire l'existence du Seigneur serait elle-même l'existence des créatures. Et là, il pose des questions, il dit, et est-ce que une partie peut créer son tout? Est-ce qu'une partie peut créer son tout? Ou bien est-ce qu'une chose se crée elle-même? Ou bien est-ce que le néant peut créer l'existence? Ou bien est-ce qu'une partie peut créer son complet? Ou va créer son reste, son restant, ou l'autre? En tout cas, tout ça, c'est des questionnements qui ont toutes des réponses évidentes. Et il dit وَهَاُولَا يَفِرُّونَ مِنْ لَفْظِ الْحُلُولِ. Et ceux-là, ils s'enfuient de l'expression « حُلُول ». Ils n'aiment pas l'expression « حُلُول ». C'est-à-dire les gens de Wahdatul Wujud, ils n'aiment pas le terme de Al-Hulul. Pourquoi? Parce que ça implique qu'il y a une chose qui rentre dans l'autre, ou une chose qui est mélangée à l'autre. Et eux, ils n'aiment pas ça. Pourquoi? Parce que pour eux, il n'y a pas un ou l'autre. Le tout est un. Hein? Donc ici, le Cheikh Al-Fawzan, il fait des explications sur qu'est-ce qu'on vient de lire. Et c'est vraiment, comme je vous avais dit, un peu compliqué. Il dit « La yakounu fil khariji abadan shay'un mawjoudun mutlaq la yumkin al mawjoud lazim lahu awsafun tuqayyiduhu fahum yakulun allahu huwa al wujud al mutlaq laysa lahu asma wala sifat wahada muhal la shay fil kawun yakounu biduni asma wala sifat » أقل الأحوال يقال إنه موجود والوجود صفة. Hein? Donc ici le cheikh, il y a rien qui existe dans la réalité, hein, à l'extérieur de notre esprit, qui serait une existence absolue. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire une existence, peu importe la chose, elle doit avoir des caractéristiques. Elle doit avoir des attributs. Elle doit avoir des descriptions. Tandis que eux, ils disent, Allah existe et c'est l'existence absolue. Il n'a pas de nom ni d'attributs. Et ça, c'est impossible. Hein? Il n'y a pas une chose qui existe dans la réalité et qui n'a pas de nom ou d'attributs. Et le moindre qu'on puisse dire, c'est que il existe. Et ça, en soi, c'est un attribut aussi. Ensuite, le cheikh, il explique un autre point. Hein? Comme il mentionne, Ibn Taymiyyah, dans les questionnements qu'il mentionne, il dit soit que le Seigneur n'existe pas dans la réalité, à l'extérieur de notre esprit, ou soit qu'il est une partie de l'existence des créatures, ou soit il est l'existence des créatures elles-mêmes. Le cheikh il dit يعني لا لا في الوجود الاعيان يعني الوجود. Donc الوجود il dit là في الوجود يعني là في الوجود. D'accord. وكل هذه الاقوال محاله باطله لكنها تلزم على قولهم. Donc il dit toutes les propos et les questionnements qu'on a mentionnés, c'est toutes des paroles et des propos qui sont faux, hein, et qui sont impliqués par ce qu'ils disent en réalité. Et en ce qui concerne la parole qu'ils ont dit à propos de al-hulul, ils disent la yaquluna bil-hulul al-hululiyya yaquluna hunaka khaliqun wa makhluq walakin al-khaliq hala fi al-makhluq wa dakhilun fi al-makhluq amma ahdathu ahlu wahdati al-wujud fayaquluna la laysa hunaka halun wa mahal لأن هذا تفريق وهم أغرقوا في ضلال في الضلال من الحلولية مع كفر الحلولية. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan il explique qu'est-ce que je disais à la fin de ce passage. Ils disent eux, ils n'acceptent pas al-hulul, hein, comme on avait expliqué l'idée des hulouliya. Ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala entre en certaines de ses créatures ou dans ses créatures. Et donc ici le cheikh il dit que eux, les gens de Wahdatul Wujud, ils rejettent cette idée là et ils disent qu'il y a un créateur et une créature, hein? Al-Hululiyya, ils disent qu'il y a un créateur et une créature. Donc c'est pour ça que les gens de Wahdatul Wujud, ils sont pas d'accord, parce que eux ils disent non, il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de créature, tout est Allah, d'accord. Donc, Cheikh Al-Fawzan il dit ici, donc Al-Hululiyya, ils disent qu'il y a un créateur, il y a une créature, mais le créateur entre dans la créature. Il est à l'intérieur des créatures. Tandis que les gens de Wahdatul Wujud, ils disent non, il n'y a pas de créateur qui rentre dans les créatures, parce que ça c'est une distinction. Donc eux, ils sont encore plus noyés dans leurs égarements que les Hululiyya, malgré que les Hululiyya sont des kuffars aussi, hein? Donc sont plus extrêmes dans leur idée que les Hululiyya. dit ومن لفظ الاتحاد hein, ومن لفظ الاتحاد. Donc c'est-à-dire que les gens de Wahdatul Wujud, ils s'enfuient du terme hulul et ils s'enterment aussi, ils s'enfuient aussi du terme ittihad, hein, l'unification. لأنه يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر وعند الوجود واحد. Donc c'est ça. Il rejette l'expression aussi de ittihad parce que ça implique qu'il y a deux choses et que les deux se soient réunis. Alors que pour eux, non, il n'y a pas deux choses, il y a une seule chose. Et Cheikh Al-Fawzan il dit: فَلَا يُقَالُ لَهُمْ أَهْلُ الْإِتِّحَادِ وَإِنَّمَا يُقَالُ أَهْلُ الْوَحْدَةِ. لا أهل الاتحاد لأن الاتحاد معناه أن يكون شيئان اتحدا واختلطا وهم لا يرون ذلك. Donc ici il dit que on les appelle pas donc les gens de l'ittihad parce que l'ittihad c'est que deux choses qui se sont rassemblées pour devenir un et qui se sont mélangées. Alors eux, ils ne considèrent pas qu'il y a plusieurs choses. Ils disent qu'il n'y a qu'une seule chose qui existe. Hein? Donc ils rejettent cette expression-là ou ce terme-là. Ils disent « وَيَقُولُونَ النَّصَارَ إِنَّمَا كَفَرُوا لَمَّا خَصَّصُوا الْمَسِيحَ بِأَنَّهُ هُوَ اللَّهِ لَوْ عَمَّمُوا لَمَّا كَفَرُوا وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ فِي عُبَادِ الْأَصْنَامِ إِنَّمَا أَخْطَأُوا لَمَّا عَبَدُوا بَعْضَ الْمَظَاهِرِ دُونَ بَعْضٍ فَلَوْ عَبَدُوا الْجَمِيعِ لَمَا أَخْطَأُوا عِنْدَهُمْ. Allah al-Musta'an. Donc ils disent, les chrétiens sont uniquement devenus des kuffars lorsqu'ils ont spécifié que le Messie c'était lui qui était Allah. Mais s'ils avaient généralisé l'existence d'Allah à toutes les créatures, ils n'auraient pas mécru, selon eux. Et de même que les idolâtres, ceux qui adorent des idoles. Ils disent, ils ont fait l'erreur d'adorer certaines apparences en dehors d'autres. Mais s'ils avaient adoré toutes les apparences, ils n'auraient pas fait d'erreur selon eux. Et donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit An-Nasara kafaru li'annahum khassasu al-Masih bi'annahu Allah, ma'a anna al-Masih wallahi shay'un wahidun 'indahum. Ma yuqal hadha Allah wa hadha al-Masih li'anna al-kawn kulluhu wahid. Yaquluna Fir'aun innama kafar li'annahu qala ana rabbukum al-a'la, ma'a anna al-kawn kulluhu huwa ar-Rabb. فهو خص نفسه وإنما كفر عباد الأصنام لأنهم فرقوا وقالوا إن الأصنام أرباب وإنما عداها عبيد فهم ضلوا في هذا الباب. Donc ça c'est la parole des soufis, هذا قول الصوفية الله المستعان صوفية وحدة الوجود كابن عربي كابن عربي. Donc ils disent, les chrétiens ils ont seulement mécru parce qu'ils ont spécifié Jésus comme étant Allah seulement, hein? Alors qu'en réalité pour eux, Allah c'est une chose et le Messie c'est la même chose. Donc pour eux, Allah et le Messie c'est un. Et donc tu ne dois pas dire ça c'est Allah et ça c'est le Messie, mais tu dois dire l'univers tout entier est un. De même que Pharaon pour eux, il a seulement mécru parce qu'il a dit je suis votre Seigneur le Très-Haut, alors que pour eux l'univers entier c'est le Seigneur. Donc il a seulement mécru parce qu'il s'est spécifié lui-même. Ou ceux qui ont adoré les idoles par exemple, ils disent ils ont mécru uniquement parce qu'ils ont distingué entre le Seigneur et les idoles. Ils ont considéré que les idoles sont des seigneurs et que tout ce qui est en dehors des idoles sont des serviteurs et des esclaves. Donc ils ont dévié par rapport à ça du fait qu'ils ont fait une distinction. Donc, vous voyez à quel point leur kufr est grave, ces gens-là. Et comment ils justifient le shirk. Et ensuite, le Cheikh il dit, وكذلك يقول, donc ça on l'explique, ولو عبدوا الكون كله ما أخطأوا لأن هذا عبد لأن لكن إذا عبدوا الأصنام هذه بعض من الكون فيكونون بعض وهذا شرك عندهم. Allah المستعان. Donc il dit, s'ils avaient adoré tout l'univers entier, alors là ils n'auraient pas fait l'erreur, mais du moment qu'ils ont adoré les idoles, et ça c'est une partie de l'univers ou une partie de l'existence, donc par rapport à ça ils ont fait une distinction, hein? Et donc ils ont commis le shirk par rapport à ça selon eux. Et le cheikh il dit wal arif, le cheikh Ibn Taymiyyah il dit wal arif al muhaqqiq indahum la yadurruhu ibadatu al asnam wa hadha ma'a ma fihi min al kufr al azim ففيه ما يلزمهم دائما من التناقض لأنه يقال لهم فمن المخطئ لكنهم يقولون إن الرب هو الموصوف بجميع النقائص التي يوصف بها المخلوق ويقولون إن المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي يوصف بها الخالق الله المستعان. Donc il dit le cheikh ici que parmi ces soufis, il y en a qui disent que d'adorer les idoles, c'est pas grave, ça ne fait aucun tort. Allah al-musta'an. Et il y a dans ça du kufr immense, un kufr immense. Et ça leur, ça, et cette parole, de leur part, ça implique toujours la contradiction. Parce qu'on pourrait leur dire dans ce cas-là, si vous dites que c'est une erreur, qui a fait l'erreur? Parce que vous dites que le Seigneur, il a toutes les imperfections et les défauts des créatures. Et ils disent également que les créatures peuvent être décrites par toutes les perfections par lesquelles on peut décrire le Créateur. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il fait le commentaire sur ce passage-là. Ils disent que ça signifie que يعني لا يضر عبادة الأصنام لأنه ما عبدوا إلا الله حتى لو عبدوا الكلب والخنزير يقولون هذا ما عبد إلا الله لأن هذه مظاهر لله عز وجل أعوذ بالله. هذا كلامهم يعني كلام الصوفية. Ils disent que ça dérange pas si t'adores les idoles parce que pour eux c'est tout ce qui existe c'est Allah. Donc même s'ils adoraient un chien ou un porc comme les hindous par exemple. Tu trouves en Inde, par exemple, des gens qui adorent des rats, qui adorent des singes, qui adorent des vaches, qui adorent des éléphants, qui adorent toutes sortes de créatures. Donc, ils disent, même s'ils adoraient le chien ou le porc, ils disent ça, ils disent, ils n'ont adoré que Allah, parce que ça, c'est des apparences, des manifestations d'Allah. Donc, ils disent, dans ce cas-là, c'est pas du shirk. A'udhu billah. Donc vous voyez comment, à partir de cette parole de Wahdatul Wujud, ils arrivent à justifier toutes les formes de shirk qui existent sur terre et essayer de faire croire aux gens que ces formes de shirk-là sont acceptables et sont valables, sont correctes et que c'est pas du shirk pour eux. A'udhu billah. Après il dit le shaykh, il dit la farqa bayna al-khaliq wal-makhluq fal-makhluq ma'a naqaisihi wa ma fihi min al-uyub yaqulun huwa Allah. Jallallahu an dhalik. Et donc ils disent que toutes les défauts et les imperfections, on peut décrire Allah par les défauts des créatures, parce que Allah, il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, parce que tout est Allah selon eux. Donc ils disent, il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, donc la créature avec tous ses défauts et tout ce qu'elle a comme imperfection, on peut dire c'est Allah malgré tout. Que Allah soit exalté de ça. Et il dit li'annaha hiya, donc il dit tu peux également décrire toutes les créatures avec les perfections par lesquelles on décrit Allah. Il dit pourquoi? Parce que pour eux il n'y a pas de différence. Li'annaha hiya huwa. La farqa baynahuma. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, elle continue son explication. Il dit, وَيَقُولُونَ مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْفُصُوصِ فَالْعَلِيُّ لِنَفْسِهِ هُوَ الَّذِي يَكُونُ لَهُ الْكَمَالُ الَّذِي يَسْتَوْعِبُ بِهِ جَمِيعَ النُّعُوتِ الْوُجُودِيَّةِ وَالنِّسَبِ الْعَدَمِيَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ مَحْمُودَةً عُرْفًا أَوْ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا أَوْ مَذْمُومَةً عُرْفًا وَعَقْلًا وَشَرْعًا وَلَيْسَ ذَلِكَ إلا لمسمى الله خاصة مع وهم مع كفرهم هذا لا يندفع عنهم التناقض فإنه معلوم بالحس والعقل أن هذا ليس هو ذاك. Donc ici l'auteur du livre Al-Fusus, c'est-à-dire Ibn Arabi, Al-Sufi, Al-Dal, Al-Zindiq, il dit Al-Ali لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية والنسب العدمية سواء كانت محمودة. Donc il dit que le Très-Haut, en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est très haut par lui-même, c'est lui qui possède toutes les perfections, qui comprend tous les attributs et les descriptions de l'existence et de la non-existence, peu importe que ce soit louable selon la tradition, la raison ou la révélation, hein, Allah al-Musta'an, et ça c'est seulement spécifique à l'appellation de Allah en particulier. Et qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Fawzan à propos de ce point-là, de cette partie-là? Il dit kullu hadhihi dalalat wa ilhad, ولكن الشيخ رحمه الله يريد أن يسد عليهم الطريق من كل النواحي ويبطل رأيهم مع أنه باطل في البداية. لكن هؤلاء لما كان لهم وجود ويوصفون بالعباد والعلماء وأصحاب الأفكار كان لابد أن الشيخ يبين ضلالهم ويبين تناقضاتهم، لأنهم لو تركوا لموهوا على الناس. Donc ici le cheikh il explique, il dit toutes ces égarements et ces formes de mécréance, hein, ça, tout qu'est-ce qu'il dit, c'est des paroles d'égarement et des paroles d'ilhad, hein. Mais il dit le cheikh il veut complètement leur fermer toutes les portes de tous les côtés et détruire complètement leur opinion et leur position, parce qu'il est, hein, c'est évident que qu'est-ce qu'ils disent c'est faux. Mais étant donné que ces gens-là existent, hein, étant donné qu'ils ont une existence et que certaines personnes les décrivent comme étant des yani bil ubad, hein, des adorateurs ou bien des ulama ou des gens qui ont des idées, des idéologues comme ils les appellent, hein, et bien le cheikh il voulait clarifier leur égarement. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui les respectent, qui leur donnent de l'importance. Donc cheikh il veut les détruire, il veut montrer leur fausseté, hein, et avertir les gens contre leur égarement. Il veut montrer leurs contradictions, parce que si on les laisse, ils vont mélanger les gens dans leur religion. Et le cheikh il dit wa hum ma'a kufrihim hadha la yandafi'u anhum at-taraqud fa innahu ma'lum bil hiss wal 'aql an hadha laysa huwa dhak. Donc le cheikh dit ma zal al kalam fi munaqashat al cheikh rahimahullah li ahli wahdat al wujud. فيقول لهم إن مذهبهم يخالف الحس والعقل كما هو مخالف للشرع، فمعلوم انقسام الكون إلى خالق ومخلوق ومخلوقات أيضا مختلفة، فليس الكلب هو الفيل وليس الخنزير هو الشاة والعنزة، كل شيء مختلف عن الآخر، فكيف يقال الكون شيء واحد لا ينقسم وهذا هو التوحيد؟ معلوم أن هذا غير ذاك في كل شيء، أولا الخالق والمخلوق، وثانيا المخلوقات لا شك أنها مختلفة ومتفاوتة وليست شيئا واحدا، فلا يقبل هذا فلا يقبل هذا عقل من عقول البشر، ولكن الضلال والعياذ بالله إذا أخذ بعقول الناس جاءوا بالغرائب، ولا ينفون من أنهم يخالفون العقول والفطر، فضلا عن أنهم يخالفون الشرائع والوحي المنزل، فهذا كفر ما بعده كفر، كفر أهل وحدة الوجود ليس بعده كفر، هم أكفر أهل الأرض. Donc le cheikh il dit, et il est toujours en train de débattre et d'argumenter contre les gens de Wahdatul Wujud, c'est-à-dire Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il continue à montrer leur fausseté et à débattre avec leurs idées. Et il dit donc que leur position et leur croyance, elle contredit la raison et elle contredit également les sens, hein. Et ça, c'est sans parler du fait qu'elle contredit la révélation aussi. Il dit, on sait très bien que l'existence et l'univers se divisent en créateur et créature. Hein? Il y a le créateur et il y a les créatures. Et les créatures, entre elles, elles sont différentes aussi. Il dit, par exemple, le chien, c'est pas l'éléphant. Et le porc, c'est pas le mouton, hein. Donc, c'est pas le mouton, c'est pas le bélier, c'est pas le bouc, hein. Donc, toutes les créatures sont différentes les unes des autres. Alors, comment pourrait-on dire que l'univers est une chose unique qui ne se divise pas, qui ne se distingue pas? Donc, le cheikh, ils disent que c'est ça le tawhid. Que tu vois que tout ce qui existe ne se divise pas et ne se sépare pas. Et il dit que, donc on sait très bien que les choses sont différentes. Dans toutes les choses, il y a des différences. Premièrement, entre le créateur et la créature, et deuxièmement, entre les créatures elles-mêmes. Il n'y a pas de doute qu'elles sont différentes. Il n'y a pas de doute que elles sont divergentes, il n'y a pas de doute qu'elles ne sont pas toutes égales, hein, et qu'elles ne sont pas une chose unique. Donc la raison, il n'y a pas une raison parmi les raisons de l'être humain qui peut accepter, hein, de dire que tout ce qui existe c'est la même chose et que tout est un. Mais malheureusement, l'égarement, Allah musta'an, que Allah nous en préserve, c'est ce qui prend, lorsque l'égarement prend la raison des hommes, elle peut ramener des choses les plus étranges. Hein. Et en plus, c'est ça qui est le plus incroyable, c'est que ces gens-là, ils ne nient pas non plus que ce qu'ils disent contredit la raison, contredit la fitra. Sans mentionner même encore le fait que ça contredit non seulement la raison et la nature saine de la croyance de l'être humain, mais en plus de ça, ça contredit même la... On n'a même pas besoin de mentionner que ça contredit la révélation aussi et les législations que Allah a révélées. Et donc il dit que leur parole est donc... C'est donc une parole de kufr après laquelle il n'y a plus de kufr. Donc la croyance des gens de Wahdatul Wujud, il n'y a plus de kufr après cette parole-là. C'est les gens les plus mécréants sur terre. Hein, il n'y a pas de gens qui ont une croyance plus grave et plus égarée que la croyance des gens de Wahdatul Wujud. Et les résultats et la conséquence de leur croyance, c'est la pire. Hein. Et le cheikh dit « Waha'oula » يقولون ما كان يقوله التلمساني إذا ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل يقولون ما أراد التحقيق يعني تحقيقهم فليترك العقل والشرع من أراد التحقيق يعني تحقيقهم فليترك العقل والشرع. الله المستعان. Donc il dit ces gens-là, ils disent comme le disait At-Tilmisani, si quelque chose a été affirmé chez nous par le dévoilement, hein, ou bien qu'est-ce qu'ils appellent Al-Kashf, et que cette chose-là nous a été confirmée par le Kashf, hein, le dévoilement, eh bien dans ce cas-là, ça contredit ce qui est explicitement rationnel. Et ils disent, celui qui veut arriver à la concrétisation et à la réalisation de la réalité des choses, selon leur idée à eux, eh bien, il doit abandonner la raison et la révélation. Ça, c'est ce qu'ils disent. Hein? Donc, il ne faut pas s'étonner par la suite que les propos et les idées qu'ils ramènent sont en contradiction avec la religion et la révélation, et la raison aussi. Donc, il dit, Cheikh Al-Fawzan, pour commenter sur ce point-là, ou cette phrase-là, il dit, « Hum yaquluna ma alayna min al-aql, nahnu thabata indana bil kashf, alladhi dallahum ala hadihi al-umur kashfuhum, اكتشافهم الأشياء ويظنون أنهم اختصوا بكشف لم يكتشفه غيرهم فهم لا يبالون بالعقول ويقولون نحن نعتمد على ما كشف لنا من الأسرار وهل الإنسان في غنية من عن العقل هل الإنسان في غنية عن العقل وهل الإنسان في غنية عن الشرع هذا جهل ليس في غنية عن الشرع مهما أوتي من الذكاء ومن الفطنة ومن إلى آخره فإنه لا يستغني عن عقله ولا يستغني عن الشرع المنزل. Donc il dit, eux ces gens-là, ils disent, on n'a pas besoin de la raison, parce que nous on a qu'est-ce qu'on a découvert et qu'est-ce qui est confirmé pour nous, c'est établi par Al-Kashf. C'est-à-dire, c'est des choses qui nous ont été dévoilées de façon particulière. Hein? Et donc, tout ce qu'on a comme idée ou comme croyance, ça nous a été, ça nous a été manifesté par des dévoilements ou des choses qu'on a vu, soit par des rêves, ou soit par des inspirations qu'ils ont eues du shaitan, Allah musta'an. Donc ils pensent que, qu'est-ce qu'on leur a fait découvrir, eh bien personne d'autre que eux l'ont découvert. Et donc c'est pour ça qu'ils ne tiennent aucun compte ni de la raison, ni de la révélation. Ils disent, nous on se base sur les secrets qu'on nous a dévoilés. Et le shaykh, il dit, il pose la question, et est-ce que l'être humain peut se passer de la raison? Et est-ce qu'il peut se passer de la révélation? Il dit, ça c'est de l'ignorance. Hein? On a tous, il n'y a personne qui peut se passer de la révélation. Peu importe l'intelligence qu'il a, peu importe ni la raison qu'il a. Il ne peut pas se passer de la raison ni de la révélation. Il dit, à propos de la parole, de l'autre parole qu'il a dit à propos du tahqiq, que celui qui veut le tahqiq, il doit laisser la raison et la révélation. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il dit, هم يقولون من أراد التحقيق الذي هو تحقيقهم فليترك العقل وليترك الشرع إذا ماذا بقي إذا ترك العقل ترك الشرع وترك الشرع فماذا تكون نهايته تكون أحط من المجانين فكيف يرضى إنسان أن يصل إلى هذه الدرجة أن يلغي العقل ويلغي الشرع ويقول هذا هو التحقيق أما العقل فلا يوجد تحقيق والشرع ليس هناك تحقيق هذا منتهى الضلال يقول هذا هو التحقيق أما العقل فلا يوجد تحقيق والشرع ليس هناك تحقيق وهذا منتهى الضلال. Donc le cheikh, il explique, il dit donc que ces gens-là, ils disent que celui qui veut arriver à la réalité des choses, leur réalité à eux, eh bien, il doit abandonner la raison et abandonner la révélation. Pourquoi? Parce que le cheikh, il dit, dans ce cas-là, si on doit laisser la raison et la révélation, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus rien après. Hein? Et donc il dit, donc si on abandonne la raison et qu'on abandonne la révélation, celui qui abandonne ces deux choses-là, qu'est-ce que ça va être quoi sa fin? Ça va être quoi sa conclusion? Il va être plus bas que les fous, que les gens qui ont perdu la tête. Et comment un être humain pourrait-il être satisfait d'arriver à ce degré-là? D'annuler sa raison, d'annuler la révélation, de laisser ça de côté, puis de dire, il n'y a pas de réalité dans ça. La réalité, elle n'est pas ni dans la raison, Hein? Il n'y a pas de réalité ni dans la raison ni dans la révélation. Wal'iyadu billah. Donc ça c'est l'extrême de l'égarement. Et ensuite il explique, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit وَقَدْ قُلْتُ لِمَنْ خَاطَبْتُهُ مِنْهُمْ وَمَعْلُومٌ أَنَّ كَشْفَ الْأَنْبِيَاءِ أَعْظَمُ وَأَتَمُّ مِنْ كَشْفِ غَيْرِهِمْ. Le pire c'est que c'est ça, c'est Ibn Taymiyyah, il connaissait ces gens là c'est à dire il en a connu parmi les gens qui avaient ces idées là il leur a parlé, alaykoum salam, il les a rencontrés, il leur a parlé. Hein? C'est pas des choses. Il y a beaucoup de musulmans qui pensent que il y a pas de musulmans qui pensent, ou il y a pas des gens qui ont ces idées-là, les idées de ces soufis. Ils pensent que ça n'existe pas aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que oui, il y en a des gens aujourd'hui qui existent parmi les soufis et qui ont ces croyances-là aujourd'hui et qui appellent même à ces idées-là aujourd'hui. Comme Ibn Taymiyyah, il les a rencontrés, il les a connus à son époque. Il les a réfutés. Et donc il dit, j'ai dit à certains d'entre eux, à qui j'ai parlé d'entre eux, hein, on sait très bien que le kashf des prophètes est plus grand et plus parfait que le kashf des autres. Hein? Et donc, quand on veut dire par rapport au kashf, par exemple, les songes ou les visions ou les rêves, hein, des prophètes, ils sont plus complets. Ils sont plus parfaits que ceux des autres qui peuvent venir après eux, bien entendu. Et le Cheikh Al-Fawzan dit ما يكشفه الله للأنبياء مما لا يكشفه لغيرهم وما يختصهم به من الغيب الذي لا يعلمه غيرهم الذي أعطاهم الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فقد يطلع الله رسوله على شيء من الغيب لمصلحة البشر فليس هناك كشف أعظم مما أوتيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولكن هؤلاء يقولون نحن نفوق الأنبياء ونحن أفهم من الأنبياء بل بعضهم كما سبق يقول الأنبياء يأخذون منا فإذا وصل الأمر بالإنسان إلى هذا الحد فلا فائدة من مخاطبته لأنه لا يريد الحق والذي لا يريد الحق مهما جادلته ومهما أقمت له من البراهين والأدلة فلن يقتنع ولن يقبل أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا لا يسمعون للشرع ولا يعقلون في عقولهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا فالأنعام تدرك مصالحها وتدرك ما تقوم به حياتها أما هؤلاء فقد هبطوا عن مستوى الأنعام السائمة Balhum adallu sabila. Donc le Cheikh il dit, ce que Allah subhanahu wa ta'ala dévoile aux prophètes, hein, de ce qu'il ne dévoile à personne d'autre que eux, et ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait voir des choses de l'invisible en particulier, il n'y a personne d'autre que les prophètes qui le connaissent. Et celui, hein, qui leur a donné cette connaissance du rêve, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, hein? C'est-à-dire Allah leur a permis de comprendre ou de connaître certaines parties de l'invisible, hein? Et non pas l'invisible en entier. Et comme il cite ici le verset 26 et 27 dans Surat al-Jinn, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui le connaisseur de l'invisible, c'est-à-dire Allah, et il ne laisse connaître à personne son ghaib, hein, l'invisible, il ne laisse connaître à personne, excepté ceux qu'il a agréés, hein, ou celui qu'il a agréé parmi ses messagers. Et le Cheikh, il dit donc, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire connaître à son messager certaines choses de l'invisible, certaines choses de l'avenir, certaines choses de ce qui est caché, dans le bien, pour le bienfait de l'humanité. Et il dit que il n'y a, il n'y a donc rien de ce qui peut être dévoilé à certaines personnes de plus grand que ce qui a été dévoilé aux prophètes. Donc il n'y a personne qui a pu avoir un kashf ou un dévoilement d'une réalité ou d'un raïb quelconque plus grand que celui que les prophètes ont reçu. Mais ces gens-là, parmi les gens de Wahdatul Wujud, ils disent, nous, on est au-dessus des prophètes. Hein? On comprend mieux que les prophètes. Et certains, comme on l'a déjà mentionné dans les cours précédents, ils vont plus loin que ça et ils disent, les prophètes prennent de nous. Hein? C'est nous qui leur avons donné la connaissance, Allah Musta'an. Donc quand quelqu'un arrive à ce degré d'égarement-là, eh bien, il dit, ça sert plus à rien de lui parler, parce qu'il ne veut pas la vérité. Hein? Celui qui veut la vérité, celui qui ne veut pas la vérité, peu importe comment tu débats avec lui, peu importe comment tu argumentes avec lui, peu importe comment tu parles avec lui, hein? Peu importe même comment tu as établi les preuves et les arguments contre lui, il ne va jamais être convaincu, il ne va jamais accepter ce que tu lui dis. Et le cheikh, il cite les versets dans Surat Al-Furqan, versets 43 et 44 dans Surat Al-Furqan, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'as-tu pas vu celui qui a pris sa passion pour sa divinité? Est-ce que tu seras pour lui un garant? Est-ce que tu penses que la plupart d'entre eux entendent ou raisonnent? Ils ne sont que comme des bêtes. Mais même qu'ils sont plus égarés encore. Donc ils n'écoutent pas la révélation et ils ne réfléchissent pas avec leur raison. Ils ne sont que comme des bêtes, comme des bestiaux, hein, comme des animaux en réalité, même qu'ils sont plus égarés encore. Parce que les raisons, il dit parce que les animaux et les bêtes et les bestiaux, eh bien, ils connaissent leur bien, où est-ce qu'il est, ils connaissent leur bien, ils savent où est le bien pour eux, et ils font qu'est-ce qui est selon yani, les choses qui sont bonnes pour leur vie, hein, des choses de ce genre, tandis que ceux-là, avec la raison que Allah leur a donnée, qu'ils ont choisi hein, de nier ou de rejeter, ils sont descendus au degré qui est plus bas que celui des animaux. Allah musta'an. Et Allah dit balhum adallu sabila. Ils sont bien plus égarés encore que les animaux. Allah musta'an. Il dit wa khabaruhum asdaqu min khabari ghayrihim. Wal anbiya salawatullahi wa salamuhu alayhim yukhbiruna bima ta'jizu 'uqulun nasi 'an ma'rifatihi. لا بما يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع. Donc le cheikh il explique que il dit cheikh Ibn Taymiyyah il dit que l'information qui donc comme il a dit le kashf des prophètes il est plus complet et parfait que le kashf de quiconque en dehors hein? Les dévoilements et les informations et les connaissances de l'invisible que les prophètes connaissent. Hein? C'est ce que Allah leur a dévoilé hein? Et c'est le plus complet et le plus parfait et ainsi que les informations de ce qu'ils reçoivent hein? Et de ce qu'ils disent c'est plus véridique que toute autre information de quiconque autre que eux de même que les prophètes paix et bénédiction d'Allah sur eux. Ils informent les gens de ce que la raison des hommes est incapable de connaître et non pas de ce que la raison ne peut pas accepter. Là, bima ya'rifu an-nas, c'est-à-dire il informe les gens de ce que la raison n'est pas capable de connaître par elle-même, mais non pas de ce que les gens savent par leur raison que ces choses-là sont impossibles. Donc, ils informent les gens de ce que la raison ne peut pas connaître par elle-même, mais non pas de ce que la raison ne peut pas accepter. C'est-à-dire, ils informent pas les gens de choses que la raison ne peut pas accepter, dans le sens qu'elle soit illogique, par exemple. Et le cheikh, il dit donc, c'est ça qu'il explique ici, il dit que ce que les prophètes nous donnent comme information, la raison de l'homme, elle n'est pas capable de le découvrir par elle-même. C'est-à-dire, il n'est pas capable, l'être humain, de découvrir ces choses-là par sa raison seulement. Mais, en même temps, elle n'est pas capable de, elle ne peut pas renier que, ou elle ne peut pas prétendre que ce que les prophètes nous ont transmis, c'est quelque chose que la raison est incapable de comprendre. Hein? Parce que la raison est capable de le comprendre dans le sens que hein, c'est quelque chose qui est sensé. Hein? Qu'est-ce que les prophètes enseignent? C'est des choses qui sont sensées et que les êtres humains savent que ça fait un sens, que ça a un sens et que c'est raisonnable. Le cheikh dit, لِأَنَّ الْأَنْبِيَا, cheikh Al-Fawzan, il explique le point. لأن الأنبياء لا يأتون بشيء من عندهم أو يعتمدون على عقولهم ومداركهم وإنما الأنبياء يتلقون عن الله سبحانه وتعالى وحيه وأمره ونهيه فهم أعظم الخلق علما وأعظمهم كشفا وأعظمهم عقولا وما جاءوا بهذا الذي جاء به أهل وحدة الوجود. الشيخ يقول donc les prophètes, hein, ils ne ramènent rien d'eux-mêmes, ils ne se basent pas sur leur propre raison et leur propre compréhension. Les prophètes, ils transmettent ce que Allah leur a donné comme révélation ou comme commandement ou comme interdiction. Donc ils sont les plus importantes et les plus grandes créatures, hein, les créatures les plus grandes dans leur science, les créatures les plus importantes dans les informations que Allah leur a dévoilées, et les plus importantes également en raison et en intelligence. Et il dit, ils n'ont ramené cela, hein, il dit le cheikh, ils n'ont pas ramené rien de ce que les gens de Wahdatul Wujud ont ramené, par exemple, comme idée. Donc si ce que les gens de Wahdatul Wujud enseignaient était vrai, eh bien on aurait trouvé des traces de ça ou des choses qui ont rapport avec ça dans les paroles des prophètes. Mais au contraire, yani, on ne trouve rien de ça dans les propos des prophètes. Et le cheikh, il dit, Al-Anbiya, cheikh Al-Fawzan, il dit, Al-Anbiya ya'touna bima, Al-Anbiya ya'touna bima yuhayyiru al-uqul, wa la ya'touna bima yukhalifu al-uqul al-salima. Wa laysa lil-cheikh, wa lihada, للشيخ كتاب من أعظم كتبه فيه موافقة العقل للشرع فقال العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح العقول الصريح أو العقل الصريح السليم لا يخالف النقل الصحيح فإن اختلف العقل والنقل فلا بد إما أن النقل غير صحيح وإما أن العقل غير صريح هذه قاعدة فالأنبياء ما جاءوا بما يخالف العقول قد جاءوا بما تعجز عنه العقول ولا تدركه العقول أما أن يأتوا بشيء يخالف العقول السليمة فهذا لن يكون أبدا. Donc le cheikh, il explique ici que les prophètes, ils ramènent ce qui ce que la raison est incapable de ramener, hein? Mais ils ne ramènent pas ce qui contredit la raison qui est saine, et c'est pour cette raison là que le cheikh Ibn Taymiyyah, un de ses plus grands livres qu'il a écrit s'intitule « L'accord entre la raison et la révélation ». Et il dit dedans une règle qui est extrêmement importante, et cette règle, c'est que la raison saine la raison qui est explicite ne contredit pas la révélation qui est authentique. La raison qui est explicite et qui est claire, elle ne contredit pas la révélation qui est authentique. Donc la raison qui est saine et qui est explicite et claire, elle ne va pas contredire le texte de la révélation qui est authentique. Et s'il y a une divergence quelconque entre la raison et la révélation, eh bien c'est soit que le texte de la révélation n'est pas authentique, ou soit que la raison n'est pas claire ou explicite. C'est un raisonnement qui est incorrect. Donc soit que si on trouve une contradiction quelconque entre la raison et la révélation, c'est soit que le texte de la révélation n'est pas authentique, ou que la raison, hein, le raisonnement est incorrect. Et ça, c'est une règle. Et les prophètes, ils n'ont pas ramené ce qui contredit la raison, hein, mais ils ont ramené des choses que la raison est incapable de connaître par elle-même. Hein, et incapable de comprendre par elle-même. Elle a besoin de la révélation pour le connaître. Il dit, mais de ramener quelque chose, hein, l'idée que la révélation ramènerait quelque chose qui serait en contradiction avec la raison qui est saine, il dit ça c'est impossible, ça n'arrivera jamais, ça n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. Le cheikh il dit ensuite, فيخبر بمحارات العقول لا بمحالات العقول ويمتنع أن يكون في إخبار الرسول ما يناقض صريح العقول ويمتنع أن يتعارض دليلان قطعيان سواء كان عقليين أو سمعيين أو كان أحدهما عقليا والآخر سمعيا. Donc le cheikh il continue à clarifier la règle qu'il a rapportée. Il dit donc que les prophètes ils ramènent des choses que la raison est incapable de ramener par elle-même, hein, ou de comprendre d'elle-même. Et il dit, mais il est impossible qu'il y ait dans les informations que les messagers nous ont transmises ce qui contredit la raison saine et explicite. Et il dit, et il est impossible de la même manière aussi que deux preuves certaines se contredisent et s'opposent. Peu importe que ces deux preuves soient rationnelles, hein, deux preuves qui soient rationnelles elles-mêmes, ou deux preuves qui soient de la révélation, qui se contredisent. Ça, c'est impossible. Et il dit, ou bien que ces deux preuves soient une de la révélation et une de la raison. Donc ça, c'est une règle extrêmement importante. Il dit le cheikh ici que je vais le répéter encore la traduction parce que étant donné que j'ai fait des pauses, peut-être que certains n'ont pas suivi toute l'explication de la phrase. Donc le cheikh il dit que les prophètes ils nous expliquent ou ils nous donnent des informations de choses que la raison elle n'est pas capable de découvrir par elle-même ou de comprendre d'elle-même, mais c'est impossible que le messager nous donne des informations de choses qui sont en opposition ou en contradiction avec ce qui est la raison saine. Et il dit de la même manière aussi que deux preuves certaines ne peuvent pas s'opposer et se contredire. Peu importe que ces deux preuves-là soient rationnelles, hein, c'est-à-dire une preuve rationnelle avec une autre preuve rationnelle. Est-ce que ces deux preuves rationnelles-là peuvent se contredire? C'est pas possible. Si c'est le cas, Si deux preuves rationnelles et scientifiques s'opposent, ça veut dire qu'il y en a une des deux qui est incorrecte. Hein? Comme par exemple, si deux chercheurs ou deux scientifiques font une étude et que les deux, à la conclusion ou à la fin de leur recherche scientifique, arrivent à deux résultats contraires ou qui s'opposent. Est-ce que ça c'est possible, logiquement? C'est-à-dire, est-ce que ces deux résultats peuvent être vrais en même temps? Et la réponse à ça, c'est que non, c'est pas possible. Hein? Deux choses rationnelles peuvent pas être vraies en même temps si elles s'opposent et se contredisent, les deux. Hein? Donc il y en a une des deux qui est fausse. Ou bien les deux sont fausses, ou bien une des deux qui est fausse. Mais les deux peuvent pas être vraies en même temps si elles se contredisent. Sinon, si c'était possible qu'il y ait des contradictions comme ça, eh bien, dans ce cas-là, personne n'étudierait la science. On aurait abandonné depuis longtemps s'il pouvait y avoir des contradictions de ce genre. Mais lorsque les scientifiques découvrent une contradiction dans la nature, par exemple, ou dans la création, ou dans les choses qu'ils étudient, eh bien, ils continuent la recherche jusqu'à ce qu'ils soient capables de répondre à cette contradiction-là ou de clarifier cette contradiction-là pour l'éliminer. Hein? Eh bien, c'est la même chose aussi lorsqu'il y a deux preuves de la révélation qui s'opposent. S'il y a deux preuves qui sont dans la révélation qui s'opposent, ça c'est impossible. Donc, ça veut dire qu'il y en a soit une des deux qui n'est pas authentique ou bien que peut-être la compréhension qu'on a d'un de ces deux textes ou des deux textes, elle est incorrecte. Donc, ou il peut y avoir beaucoup d'explications à ça. Les ulama, ils ont parlé de ça dans les livres, hein, et ils ont clarifié ce sujet. De même qu'il ne peut pas y avoir non plus de contradiction entre la raison saine et la révélation qui est saine et explicite et authentique. Donc ici le cheikh Al-Fawzan il clarifie ça aussi, il commente chaque point. Donc que le fait que les prophètes ont amené des choses que la raison ne peut pas découvrir par elle-même, yani ma yuhayyiruha umur al-akhirah umur la tudrikuha al-uqul. Le cheikh il dit les informations que les prophètes nous ont données, c'est des choses que la raison ne peut pas d'elle-même découvrir ou connaître. Et comme exemple qu'il a donné le cheikh, les choses qui ont rapport avec l'au-delà. Qu'est-ce qui se passe après la mort? La raison ne peut pas comprendre ou connaître ces choses-là. Hein? Qu'est-ce qui se passe au jugement dernier? Qu'est-ce qui se passe dans la tombe? Qu'est-ce qui se passe à la résurrection? Qu'est-ce qui se passe le paradis, l'enfer, toutes ces choses-là, la raison ne peut pas le connaître la raison ne peut pas connaître ces choses-là d'elle-même. Elle a besoin de la révélation pour connaître ces choses-là. Et il dit, et en même temps, ce que les messagers ont ramené ne peuvent pas être en contradiction avec ce qui est explicitement rationnel et clairement rationnel. Et donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous révèle des informations à propos de l'au-delà et qu'est-ce qui se passe après la mort, il n'y a personne qui peut prétendre ou dire que ce que les messagers ont rapporté à ce sujet-là contredit la raison. Hein? Contredit la raison saine. Parce que il n'y a rien dans ce qu'ils ont ramené les messagers à ce sujet-là qui soit contradictoire ou qui est contradictoire avec la raison. Hein? Et il dit, de la même manière que c'est pas possible que, il dit voilà ya'tuna bi shay'in la tujizuhu al-'uqul walakin ya'tuna bi shay'in tatahayyaru fihi al-'uqul li'anna al-'uqul makhluqatun qasira la tudriku kull shay. Donc il dit, donc les prophètes ils ne ramènent pas des choses que la raison est incapable d'accepter, hein, mais elle ramène des choses qu'elle peut concevoir, mais qu'elle ne peut pas découvrir par elle-même et qui sont parfois des choses étonnantes, hein, qui sont parfois des choses étonnantes et surprenantes pour la raison. Pourquoi? Parce que la raison de l'être humain, elle est créée et donc elle est limitée. et elle ne peut pas donc tout comprendre. Alors il y a des limites à ce que l'être humain, par sa raison, est capable de concevoir. Et c'est pour ça que les informations qui nous sont venues de la part des messagers au sujet des choses de l'invisible et du raïb et des choses de ce genre, on est capable de l'accepter rationnellement. Mais parfois on peut avoir de la difficulté à l'imaginer ou bien à savoir comment ça peut être dans sa réalité, parce que c'est des choses qui nous dépassent. وهذا معنى القاعدة. Donc il dit par rapport à la règle qu'on a mentionnée. هذا معنى القاعدة موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح لا يختلفان أبدا لا يتعارض دليلان صحيحان أبدا الأدلة الصحيحة لا تتعارض لكن العقل قد يعجز عن التوفيق بينها وهي في نفس الأمر لا تتعارض أبدا إذا كان أحد الدليلين غير قطعي وإنما هو ظني فإنه قد يتعارض أو يظهر تعارضه مع القطع وأما إذا كان الدليلان قطعيين عقليين أو شرعيين أما إذا كان الدليلان قطعيان شرعيان أو عقليان أو أحدهما عقلي والآخر شرعي فلن يتعارضا أبدا لأن الشرع تنزيل من حكيم حميد وهو الذي خلق العقول فلا يتعارض أبدا دليلان قطعيان أما إذا كان غير قطعيين قد يختلفان السمعي والمراد به الوحي. Donc le cheikh il explique ici, il dit que la règle, c'est l'explication de ce que Ibn Taymiyyah a dit par rapport à l'accord qu'il y a entre la raison qui est explicite et la révélation qui est authentique, et que ces deux choses-là ne divergent pas. Donc il dit qu'il n'y a pas de contradiction possible entre deux preuves qui sont authentiques. Deux preuves authentiques ne pourront jamais s'opposer. Il dit que la preuve authentique, elle ne va pas être en opposition ou en contradiction, ni avec la raison, ni avec une autre preuve authentique. Peu importe que ou bien aussi deux preuves rationnelles ne peuvent pas s'opposer. Il dit, mais parfois, la raison ne sait pas comment réconcilier ces deux positions-là et réunir ces deux opinions-là ou ces deux preuves-là entre elles. Et en réalité, elles ne s'opposent pas. Mais peut-être que l'une des deux preuves n'est pas certaine. Une des deux n'est pas certaine. Comme on dit, il y a des preuves qui sont certaines et d'autres preuves qui sont des possibilités ou des suppositions. Et donc, il dit ici le cheikh que si deux preuves, une preuve est certaine et l'autre est pas certaine, c'est possible qu'il y ait une opposition, ou qu'on ait l'apparence d'une opposition. Mais deux preuves qui sont toutes les deux certaines, que ce soit deux preuves rationnelles ou deux preuves révélées, ou bien que ce soit une des deux qui soit révélée et l'autre qui soit rationnelle, il dit, si les deux sont certaines, elles ne peuvent pas s'opposer. Il dit, parce que la révélation, c'est quelque chose qui est descendu d'Allah, qui est venu d'Allah, le sage, le digne de louange. Et la raison, c'est lui qui l'a créé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé notre raison et qui a créé l'univers dans lequel on vit. Et donc, il ne peut pas y avoir de contradiction entre ce qu'il a révélé et ce qu'il a établi comme, principe et comme règle rationnelle dans la raison. Et donc, s'il y a deux textes ou deux preuves qui ne sont pas certaines, oui, elles peuvent diverger. Et, mais par contre, si les deux sont certaines, là, c'est pas possible qu'elles divergent. Et il dit le cheikh As-Sam'i, qu'est-ce qu'on veut dire par As-Sam'i? As-Sam', c'est la révélation. Et An-Naql, c'est yani, la révélation aussi. An-Naql ou As-Sam', les deux, ça veut dire la révélation, ou bien qu'est-ce qui a été transmis par les messagers. Ensuite, il dit وكيف بمن ادعى كشفا يناقض صريح العقل والشرع صريح الشرع والعقل هؤلاء قد لا يتعمدون الكذب لكن يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Puis ce passage-là, on l'expliquera la prochaine fois au prochain cours. Donc, alhamdulillah, on a, je pense, Allahu a'lam, je pense qu'on a réussi à passer la partie ou une des parties les plus difficiles du livre et le reste. Donc, qu'est-ce qui nous reste ensuite à expliquer? C'est yani, le reste, on revient à des propos ou des choses qui sont plus claires, hein, plus faciles à comprendre, parce qu'on a fini de mentionner les propos des philosophes et de ces gens bizarres, des hérétiques, des égarés qui croient en Wahdatul Wujud. Donc le reste, ça devrait être plus fluide, inshallah. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.